Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Quand, à travers le portrait d'un inconnu de l'histoire, on raconte l'histoire du temps. Entre anglais et français, à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, rien n'est simple. Tout n'est que violence. On guerroie, on s'associe bien, de temps en temps, lors des croisades, pour mieux se surveiller et se combattre. On se livre à des batailles incessantes, mais qui s'arrêtent pourtant, de temps à autre, lorsque le mauvais temps s'installe. À Paris, Philippe Auguste fait construire ses fortifications pour protéger la ville et pour créer aussi le sentiment d'appartenir à une communauté. Et Guillaume le Maréchal, notre inconnu de l'histoire, est toujours fidèle à son roi, roi anglais. Voici le deuxième volet de l'émission à lui consacrée par Jean Montalbetti dans Les Inconnus de l'Histoire, première diffusion sur France Culture le 23 avril 1982. Disconosciuti nella storia. La storia dos desconocidos. Unbekannte der Geschichte. L'omano, sirare zaro. The unknowns of history. Les inconnus de l'histoire. Guillaume est né en Angleterre en 1144 sous le règne d'Étienne de Blois, le petit-fils de Guillaume le Conquérant. Vers 1164, c'est-à-dire vers l'âge de 20 ans, il est adoubé chevalier et il va tournoyer en Normandie pendant une vingtaine d'années. Guillaume est le modèle même du chevalier du Moyen-Âge. D'une étonnante force physique, il est un champion de tournoi, il est vaillant à la guerre, c'est aussi un sage conseiller. Indéfectiblement fidèle au serment féodal, il va servir sans défaillance les Plantagenets face aux Capétiens. Aujourd'hui, nous le voyons aux côtés d'Henri II, puis de Richard Cœur de Lion, livrant bataille au roi de France, Philippe Auguste. Enquête sur un champion de tournoi dans l'armée de Richard Cœur de Lion. Guillaume le Maréchal par Jean Montalbetti. Médiateur Georges Duby. Consultant Alain Erland Brandenburg. Jean-Pierre Reverso. Dans le rôle de Guillaume le Maréchal, François Mestre. Réalisation, Christine Berlamont et Daniel Fontanarosa. Georges Duby, la période de vie de Guillaume le Maréchal se situe dans la seconde moitié du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle jusqu'à 1219. On a l'impression, à travers la chanson de l'histoire de Guillaume le Maréchal, que c'est aussi l'histoire de l'affrontement constant entre deux familles royales, celle des Capétiens et celle des Plantagenets. Oui. Sûrement, c'est dans le domaine de l'histoire politique, pour autant qu'il y ait de la politique à cette époque-là, la vie de Guillaume le Maréchal coïncide avec une tension très grave entre deux princes qui étaient certainement les deux plus puissants de la chrétienté à cette époque-là, le roi de France et le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, qui d'ailleurs n'est pas un Anglais à proprement parler, puisque Henri II était d'abord comte d'Anjou, Plantagenet, donc comte d'Anjou. Vous savez qu'il est enterré à Fontevraud, il n'est pas enterré du tout en Angleterre, c'était pas son pays. C'était un homme de la Loire, il parlait le français de la Loire, et c'était entre Saumur et Nantes qu'il se sentait chez lui. Il était devenu, par l'héritage de sa mère, duc de Normandie. Il était donc d'abord angevin, ensuite normand. Il était devenu par sa femme, Aliénor d'Aquitaine, maître de tout le sud-ouest du royaume de France. Et il avait été la première femme de Louis VII. De Louis VII l'avait répudiée, et Henri Plantagenet s'était immédiatement jeté sur elle et l'avait épousée. Par elle, il était devenu le maître de Poitiers, de Bordeaux, et ce n'est que accessoirement qu'il était roi d'Angleterre. C'est pas, il était roi d'Angleterre, il l'est devenu d'ailleurs par compétition contre cet Étienne de Blois. Mais enfin, c'était un personnage qui réunissait un ensemble de possessions extrêmement vastes. Mais la plupart de ces possessions, et celles qui lui tenaient le plus à cœur, c'est-à-dire l'Anjou, la Bretagne, la Normandie et le duché d'Aquitaine, c'est-à-dire ce qui va depuis la Loire jusqu'aux Pyrénées, c'était des fiefs du roi de France. Il n'était pas roi en France, il était roi en Angleterre, mais dès qu'il franchissait la Manche, dès qu'il revenait sur le continent, il était simplement duc ou comte, mais il était à ce titre vassal du Capétien. Mais vassal extrêmement puissant et très rétif, et pour cela en compétition constante pour le roi de France, c'était une menace insupportable que de sentir que à quelques lieues de Paris, en allant vers l'ouest, on arrivait dans le domaine de ce très puissant personnage. Très proche de Paris. Ah, tout, oui, ça commence à Meulan, ça commence à Mantes, n'est-ce pas, et ça entoure presque complètement les possessions occidentales du roi de France. Le roi de France est on ne peut pas dire qu'il soit moins puissant que le roi d'Angleterre, parce qu'il est aussi très, il a aussi une très grosse autorité, et sans doute une autorité symbolique et morale beaucoup plus grande, parce que il est quand même l'héritier de Charlemagne. C'est pas le royaume de France, c'est autre chose que le royaume d'Angleterre. Ça n'est pas de comparaison. Jusqu'en 1180, la rivalité entre Capétiens et Plantagenet va être celle des rois Louis VII et d'Henri II. Et puis ensuite va venir l'étonnante personnalité de Philippe Auguste. Philippe Auguste jusqu'en 1223, c'est-à-dire qu'il va s'opposer successivement à Henri II, à Richard Cœur de Lion et à Jean Santerre. On a l'impression que ni Louis VII ni Philippe Auguste n'acceptent au fond cette présence du roi d'Angleterre sur le territoire de la France. Non, ils font tout justement pour essayer d'amoindrir cette puissance. Ils font tout. Et notamment, ils tablent sur les difficultés internes de la famille des Plantagenet. Parce que dans la société de ce temps-là, les règles de succession et l'organisation biologique, je dirais, des familles, fait qu'il y a une tension permanente entre les fils, dès qu'ils deviennent adultes, et leur père. Généralement, on se marie jeune, n'est-ce pas, quand on est un successeur désigné, on se marie vieux quand, comme Guillaume le maréchal, on est un cadet et que on n'est pas marié par son père, il faut attendre une occasion. Mais lorsqu'on est marié par son père, on est marié, le garçon est marié à 15 ans et la fille à 12 ans. Donc, l'intervalle de génération est faible. Si bien qu'un homme de 40 ans a des garçons, souvent, qui sont en pleine capacité de régner, de tenir une seigneurie, et qui sont dans une dépendance économique totale, qui n'ont rien à eux, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que leur père leur cède la place. Et alors, ils sont en lutte constante contre lui, et évidemment, ils sont les alliés de ses ennemis. Et ça a été d'ailleurs un atout dans la main des Capétiens, c'est que dans la maison royale de France, il y a eu deux chances. La première, c'est que Louis VII a eu un garçon très tard, on peut même dire trop tard, puisque lorsque Philippe Auguste a été sacré roi, il était tout jeune et il était mineur. Il avait 15 ans et il n'était pas encore en état même de prendre vraiment le pouvoir. Il a été un certain temps chambré par ses oncles. Mais l'autre chance... Il est sacré, je crois, même avant la mort de son père, qui est déjà trop vieux. Son père est un peu gâteux, n'est-ce pas? Oui. Et il faut se dépêcher, d'autant plus que... on ne sait jamais, peut-être que le roi d'Angleterre aurait pu justement arriver de Mantes vers Paris et puis imposer sa loi. Mais l'autre chance des Capétiens, c'est que le roi Henri II, lui, a eu plusieurs garçons. Et des garçons, d'abord, qui se détestaient les uns les autres, à tel point que il y en a un qui a tué l'un d'eux, n'est-ce pas? Il y a eu aussi vraiment des crimes fratricides dans cette famille, et qui se détestaient les uns les autres, qui étaient en lutte avec leur père, soutenus par leur mère très souvent, parce que n'imaginons pas Aliénor d'Aquitaine sous les traits que lui donne une historiographie complaisante, n'est-ce pas? C'était pas du tout... la princesse édulcorée, c'était au contraire une mégère, n'est-ce pas, qui a été constamment en lutte contre son mari, appuyée par ses fils. Et le roi Henri II, finalement, a été obligé de chevaucher d'un bout à l'autre de son immense empire pour essayer de résoudre des rébellions dont ses fils étaient les artisans majeurs. Richard, le comte de Poitiers, partit sans prendre congé à l'insu de son père. Le roi Henri en fut peiné. « Oh, dit-il, je m'y attendais. Mes enfants ne feront jamais rien de bien. Ils causeront ma perte et la leur. Toujours, ils m'ont fait du mal. » Il appela le maréchal et ceux de ses hommes en qui il avait le plus de confiance et leur demanda conseil. Le maréchal fut d'avis d'envoyer à la recherche de Richard et de le mettre en demeure de revenir aussitôt ou de dire pourquoi il était ainsi parti sans en faire savoir le motif. Maréchal, reprit le roi, vous et Bertrand de Verdun, vous accomplirez ce message. Le maréchal se mit en route avec Bertrand de Verdun qui fut toujours plein de loyauté et de droiture. À midi, ils arrivèrent à Amboise où le comte avait passé la nuit, mais il était trop tard. Ils apprirent de l'autre que Richard et les siens étaient partis dès le matin et que ce serait peine perdue d'essayer de le rejoindre. Pendant la nuit, il avait fait faire au moins 200 lettres. On ne l'avait jamais vu si anxieux de convoquer ses adhérents par toute sa terre. Le maréchal fit prévenir aussitôt le père de la trahison que son fils préparait contre lui. Puis il alla attendre à Tours le roi qui s'empressa de l'y rejoindre. Le roi Henri se plaignit amèrement devant ses barons de la conduite de Richard et envoya demander du secours en Angleterre. Il donna ordre écrit à Raoul de Glanville, qui était justice d'Angleterre, de convoquer nominativement ses hauts hommes et ses barons et de tâcher de venir à lui avec le trésor. Après cela, le roi chevaucha avec beaucoup de peine jusqu'au Dora, où il ne séjourna pas longtemps. Puis, n'y ayant rien fait, il se rendit à Chinon, d'où il revint au Mans. Là, il fut pris d'une maladie qui lui dura tout le carême. C'est là que vinrent le rejoindre les hauts barons qui avaient été mandés. Hubert Gautier, qui était clerc de Raoul de Glanville, y vint à la place de son seigneur qui était malade. C'est alors que le roi promit au maréchal la pucelle de Strigil pour le récompenser de ses services, ordonnant à Hubert Gautier de le faire entrer en possession de la dame et de la terre dès son retour en Angleterre. Alors, il y avait l'aîné Henri, dont Guillaume le maréchal était le mentor, n'est-ce pas ? Bon, et sur celui-là, peut-être, on pouvait compter. Pour l'occuper, le roi Henri, lorsqu'il a été en âge, justement, l'a laissé tournoyer, comme ça, il lui a payé des chevaliers, il lui a payé des mercenaires, et il l'a occupé à se battre dans la France centrale, dans le Limousin, dans le Massif central, en Auvergne, contre le Capétien, ou contre les alliés du Capétien. Seulement, Henri le Jeune est mort accidentellement. Pour 183. Oui, et pour le maréchal, ça a été un sale coup, parce qu'il était accroché à lui. Et il est mort à un moment où il était en révolte contre son père. Il était en révolte contre son père, Guillaume le maréchal était à ses côtés, bien évidemment. Et ce qu'attendait Guillaume le maréchal en même temps que Henri le Jeune, c'était la mort d'Henri II, parce qu'il était vraiment l'ami le plus intime du nouveau roi. Donc, ça a été une catastrophe, cette mort de Henri le Jeune. Heureusement, Henri II l'a retenu à son service, donc il s'en est tiré. Mais à ce moment-là, le problème, c'était celui de Richard Cœur de Lion, de Jean sans Terre. Et les frères ennemis, la rivalité avec le père, une fin de vie pour Henri II assez atroce. Vous savez que quand il est mort en 1190, on l'a laissé tout nu sur son lit, tous ses serviteurs lui avaient retiré tout ce qu'il avait, jusqu'à ses vêtements, ses bagues, tout ça, et pendant que Richard Cœur de Lion lui se précipitait en Angleterre pour être couronné. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Il est mort avec le sentiment d'avoir été vaincu par Philippe Auguste et trahi par tous ses fils, et notamment par Jean sans Terre, qu'il aimait probablement le plus. Trahi par ses fils, c'était ça qui était le plus cruel pour lui. En fait, à l'égard du jeune Philippe Auguste, il jouait plutôt le rôle, n'est-ce pas, du protecteur. Il a été, au fond, en assez bons termes avec Philippe Auguste, presque jusqu'à la fin. Mais les derniers jours ont été très durs. Le roi de France, Philippe, étant arrivé, demanda ce qu'était devenu le roi Henri II. On lui répondit qu'il était très malade, qu'il avait perdu l'appétit. Il devait rester couché, ne pouvant se tenir ni debout, ni assis. Le comte Richard, loin de plaindre son père, disait que c'était une feinte. Ses amis lui mandèrent, de rechef, de venir à tout prix. Il fit un effort et se mit en route, disant au maréchal, « Maréchal, si vous pouvez me tirer d'ici, faites-le. Je ferai, quoi qu'il m'en coûte, toutes les concessions possibles pour pouvoir m'en aller, mais je vous dis certainement qu'ensuite, si je vis assez, je les rassasirai de ma guerre et la terre me restera. » « Sire, répondit le maréchal, j'y ferai mon possible. » Le 4 juillet, les deux rois s'assemblèrent. Les hauts hommes qui étaient là virent bien que le roi Henri était très souffrant. Le roi de France s'en aperçut aussi et, ayant demandé une chape, l'invita à s'asseoir. Mais le roi d'Angleterre refusa, disant qu'il ne s'assiérait pas, mais qu'il voulait savoir ce qu'on lui réclamait et pourquoi on lui prenait sa terre. J'ignore quelles furent les paroles échangées, mais à la fin, ils prirent trêve et se séparèrent. Ils ne devaient plus se revoir. Je ne sais quelles conventions furent faites, sinon qu'au sujet des emprises, ils décidèrent que chacun communiquerait en secret à l'autre la liste des siens. Le roi Henri se rendit à Chinon, où il tomba pour ne plus se relever. Il voulut avoir les noms de ceux qui s'étaient engagés contre lui. Il envoya donc maître Roger Malcael, qui alors était son garde du sceau, au roi de France, à Tours, pour lui demander la liste promise. Maître Roger se rendit à Tours, et il écrivit les noms de tous ceux qui s'étaient engagés à aider le roi de France dans sa guerre contre le roi d'Angleterre. À son retour, le roi Henri lui demanda les noms. « Sire, répondit-il en soupirant, le premier qui est ici inscrit, c'est le comte Jean, votre fils. » Quand le roi Henri entendit que l'être qu'il aimait le mieux au monde le trahissait, il ne put que dire « Vous en avez dit assez ». Il se retourna dans son lit. Il eut le frisson, le sang se troubla, son teint noirci. La douleur lui fit perdre la mémoire, l'ouïe et la vue. Il souffrit ainsi jusqu'au troisième jour. Il parlait, mais on ne pouvait bien comprendre ce qu'il disait. Le sang lui figea sur le cœur. Finalement, la mort lui creva le cœur et un jet de sang coagulé lui sortit par le nez et par la bouche. Sa mort causa une grande douleur à tous ceux qui étaient avec lui. Je vous dirai brièvement qu'il lui avint à sa mort ce qui jamais n'était arrivé à si haut homme, c'est qu'on n'eut pas de quoi le couvrir. Il demeura si pauvre, si délaissé, qu'il n'eut sur lui ni linge ni laine. C'est ainsi que fortune fit tomber de si haut, si bas, un homme si puissant, un roi si honoré, si redouté. On a bien raison de dire que mort n'a ami. Monsieur Alain Brandenburg, vous nous accueillez au musée de Cluny, dont vous êtes le conservateur, et nous sommes là dans une salle voûtée aux dimensions imposantes pour évoquer le Paris de Philippe Auguste. En effet, c'est tout de même sous le règne de Philippe Auguste que Paris a été choisi d'abord comme capitale, ce qui était à l'origine d'un certain nombre de transformations et de constructions. L'arrivée au pouvoir de Philippe Auguste va complètement transformer le destin de Paris. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Philippe Auguste va faire en sorte que l'administration royale soit maintenant implantée à Paris, et justement au palais. Et dans un deuxième temps, il veut que cette ville, qui était encore une ville mal définie, prenne des proportions gigantesques et devienne la plus grande ville de l'Europe. Et dès la mort de Philippe Auguste, Paris est la plus grande ville de l'Europe. Avec une population de quel ordre ? Avec une population d'environ 200 000 habitants, ce qui en fait la plus grande ville de l'Europe. Et on dit que dans ces 200 000 habitants, il y avait presque 10% d'étudiants, environ 20 000 étudiants au quartier latin. C'est peut-être beaucoup pour l'époque de Philippe Auguste, certainement sous l'époque de Saint-Louis, parce que c'est également à cette époque-là où s'installe l'institution nouvelle qui est l'université au sud. Peut-être quand même un peu moins à cette époque-là. Enfin, c'est tout, comme toujours, les chiffres sont difficiles à situer. Mais véritablement, nous assistons à cette triple ville, c'est-à-dire la ville administrative, la ville marchande qui est au nord, et puis la ville universitaire qui est au sud, implantée d'ailleurs dans une région qui n'est pratiquement pas construite. C'est-à-dire géographiquement, la ville administrative, c'est la cité. C'est la cité, avec deux ensembles importants, qui sont la ville administrative et laïque, et la ville avec le palais, et la ville administrative et religieuse, qui est la cathédrale, avec son palais épiscopal. Et ceci, c'est une permanence qui remonte encore une fois à l'Antiquité. Au nord, sur la rive nord de la Seine, la ville marchande également, qui remonte au moins au Xe, XIe siècle, et d'autre part une ville neuve, qui est la ville méridionale, implantée sur une région complètement abandonnée depuis fort longtemps, vraisemblablement depuis l'époque carolingienne, où subsistent quelques ruines, dont notamment les thermes de Cluny. Et c'est là, dans cette ville qui est finalement et pratiquement une ville de campagne, où les jardins sont plus importants que les constructions, que s'implante l'université. Et Paris, grâce à Philippe Auguste, va être le lien entre ces trois villes, et pour manifester l'existence de ces trois villes, et en faire également un élément de défense dans l'histoire du royaume, Philippe Auguste va créer une enceinte qui est la plus grande enceinte qui existait à cette époque-là dans l'Europe occidentale. Dont il subsiste quelques fragments, d'ailleurs. Dont il subsiste d'ailleurs un certain nombre de fragments, beaucoup plus sur la rive gauche que sur la rive droite, mais il y en a encore quelques-uns sur la rive droite, puisque sur la rive droite, qui est la ville marchande et qui va s'amplifier, Dès la fin du XIVe siècle, Charles V va le remplacer par une nouvelle enceinte. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Philippe Auguste commence d'abord par construire l'enceinte de la rive nord, c'était de la ville marchande, qui est une enceinte militaire, avec une fortification proche de la Seine et dirigée vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'ennemi qu'est la Normandie. Il ne faut pas oublier que Mantes est encore aux mains des Plantagenets, c'est-à-dire qu'en quelques heures... Les Anglais sont à 50 kilomètres. Sont à 50 kilomètres, c'est-à-dire qu'en quelques heures, ils sont à Paris. Et donc, il faut fortifier la ville riche, qui est la ville marchande. Et il y a une deuxième enceinte qu'il va édifier plus tard, d'ailleurs. La première est de 1190, la deuxième est de 1210 environ, 1212, qui, elle, n'est pas une enceinte de défense, mais une enceinte de peuplement. La création d'une enceinte au pays a plusieurs choses. Évidemment, l'idée de défense qui est essentielle, mais aussi une autre idée, l'idée de créer une sorte de climat, une sorte de conception unitaire d'une commune. Et c'est la raison pour laquelle Philippe Auguste a créé sur la rive gauche. Elle attire la population et en même temps, elle va créer le sentiment qu'on appartient à une communauté. Et ceci est évidemment très neuf, puisque Paris, qui est la première enceinte construite par Philippe Auguste, va faire des émules dans tout le nord de la France. Le pouvoir royal à cette époque est tout à fait considérable. Est-ce que Philippe Auguste peut imaginer que Richard Cœur de Lion ou Jean Santerre peut faire le siège de Paris? Ah oui, au début, en 180, lorsqu'il arrive sur le trône, pour lui, il y a un danger certain. La France est peu de chose, elle est énorme à la mort de Philippe Auguste. Et ce qu'il y a d'intéressant de remarquer, c'est la façon dont il a mené cette opération de reconquête du royaume. Il a établi des points forts, et ces points forts, à la différence de ce qu'on faisait au XIIe siècle, qui étaient des châteaux perdus un peu dans la campagne, et Château Gaillard en est le plus bel exemple, lui... Réputée forteresse imprenable, mais prise tout de même par Philippe Auguste. Mais prise tout de même en un an, avec un siège qui était assez long et très très adroit d'ailleurs. Et pour Philippe Auguste, l'idée essentielle est de lier la défense à la population bourgeoise. Le gros problème du Moyen-Âge, et même jusqu'à une époque récente, jusqu'à ce qu'on ait inventé la conscription militaire, c'est le problème humain. Il n'y a pas d'hommes pour défendre les fortifications. Et lorsque vous avez une enceinte urbaine, il est évident qu'il n'est pas question d'avoir des militaires pour la défendre, et il confie le soin de cette défense à la bourgeoisie. Qui prend une place beaucoup plus importante au cours de ce règne. Qui prend une place neuve, et c'est également... Là aussi, le lien particulier que Philippe Auguste établit avec la bourgeoisie qui va lui permettre cette reconquête du royaume. Et la première place qu'il établit ainsi, c'est Paris. C'est-à-dire, c'est la population, la bourgeoisie parisienne, qui est maintenant protégée par une enceinte, qui va défendre cette enceinte. Et ensuite, on va le voir avancer petit à petit vers la Normandie, avec un certain nombre d'étapes que l'on connaît bien maintenant. En 190, c'est donc Paris avec le Louvre est contemporain d'enceinte de Paris, et ensuite il va remonter petit à petit Vernon, prendre Château-Gaillard, prendre Rouen, etc., encercler la Normandie et faire en sorte d'avoir ces points forts qui sont des points d'appui solides et dont il va partir. Ce sont des sortes de sauts de puce qui sont très longs d'ailleurs, mais une fois qu'il est installé quelque part, il n'en bouge plus. Avec Philippe Auguste, alors tout change parce que plus rien ne le retient d'attaquer ses cousins, les rois successifs d'Angleterre. Georges Duby. Vous savez qu'ils partent ensemble, Richard Cœur de Lion et lui, pour la croisade, que Philippe Auguste, aussi rapidement qu'il peut, revient en France et, à peine revenu, contrairement à toutes les règles, essaye de récupérer le plus qu'il peut des terres de Normandie contre Richard. Alors là, il y a une attitude qui est difficile à comprendre. On est donc en 1190, lors de la troisième croisade, qui réunit le roi de France, Philippe Auguste, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, et puis l'empereur d'Allemagne, Frédéric Barberousse. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que vous croyez, ils abandonnent complètement l'objectif, qui est la prise de Jérusalem, se diviser à nouveau et lutter les uns contre les autres. C'est-à-dire que, précisons un peu, d'abord, il est probable que Frédéric Barberousse, le roi d'Allemagne, aurait été, lui, jusqu'à Jérusalem s'il n'était pas mort en route. Vous savez qu'il s'est noyé dans une rivière d'Asie mineure. Et ça a été d'ailleurs un premier coup porté à la grande expédition que la chrétienté avait montée. C'était la troisième croisade devant cette catastrophe qu'avait été la reprise de Jérusalem par les musulmans quelques années avant. Donc, l'expédition a été poursuivie par les deux autres souverains, Richard et Philippe. Richard et Philippe qui se haïssaient d'ailleurs, parce que Richard Cœur de Lion, c'était un peu Guillaume le Maréchal, c'était le parangon de la chevalerie, c'était celui qui était l'exemple même de toutes les vertus. Il était beau, il était courageux, il réussissait, tandis que Philippe Auguste était, lui, d'un tempérament beaucoup plus inquiet, moins physiquement, moins apte sans doute, et souffrant de l'éclipse où le tenait le voisinage de son compagnon. Donc ils se sont brouillés finalement durant le siège de Saint-Jean d'Acre. Là, ils ne perdaient pas leur temps parce que il s'agissait de sauver ce qui pouvait être sauvé de la Terre Sainte. Enfin, si vous voulez, la Terre Sainte était dans la position de l'État d'Israël aujourd'hui, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait tout le poids des pays musulmans sur cette petite bande de terre. Une bonne partie avait été reconquise par les musulmans après cet épisode tout à fait inattendu qui avait été la prise de Jérusalem en 1099. Et il s'agissait maintenant de tenir le coup, de garder ce qui pouvait être gardé. Et la troisième croisade a réussi quand même à prolonger pour un siècle la présence des Francs en Palestine, notamment en assurant la possession de Saint-Jean d'Acre et aussi en conquérant l'île de Chypre. N'est-ce pas ? Chypre a été conquise par Richard Cœur de Lion au passage et c'est devenu vraiment l'appui logistique des chrétiens au Proche-Orient. Mais Philippe, lui, il est tombé malade d'abord, comme la plupart des gens qui se rendaient dans ces pays-là en venant d'Europe. Et je ne crois pas que c'était un prétexte, mais il avait accompli son vœu. Jérusalem était imprenable dans l'état de préparation des armées croisées, donc il pouvait rentrer. Alors Richard rentre. Il rentre beaucoup plus tard parce que. En 92. Il a été capturé en route, il est resté prisonnier. Il a été capturé, par Léopold d'Autriche et livré à l'empereur d'Allemagne. Oui, livré à l'empereur d'Allemagne, qui l'a rendu, mais moyennant une rançon très forte. Ouais. Pas, et de son côté, Philippe Auguste essayait qu'on le garde le plus longtemps possible. Mais dès qu'il a été rentré, il a battu Philippe Auguste à plate couture, n'est-ce pas ? Il y a eu des combats en Normandie qui ont été absolument décisifs, et Philippe Auguste est en état de défense, n'est-ce pas ? De résistance difficile à l'égard des coups de boutoir qui lui viennent des chevaliers, non pas des chevaliers anglais, mais des chevaliers français qui sont dans les fiefs tenus par Richard Cœur de Lion. Alors une nouvelle chance, c'est que Richard Cœur de Lion, lui aussi, est tué, n'est-ce pas, accidentellement, dans une campagne qu'il menait toujours dans cette région très difficile, pleine de hobereaux, toujours rebelles, qu'on pouvait absolument pas tenir, qui est l'Auvergne, le Limousin, le Quercy, enfin, c'est le cœur de la France intenable à ce moment-là. Le comte Jean mit le siège devant Évreux, et qu'il prit le lendemain de son arrivée. Quand Richard eut pris Beaumont, qui s'était soulevé contre lui, il fit brûler et abattre la tour. Puis il se rendit à Évreux et mit garnison dans le château. De là, il s'en vint à Pont de l'Arche, dont il fit promptement refaire le pont. Sous Elbeuf, en aval, il fortifia la roche d'Orival. Ensuite, il alla à Vaudreuil, où le roi de France vint d'un autre côté. Ils convinrent d'une entrevue, mais les Français firent une chose indigne. Car, tandis que les rois conféraient, ils continuèrent à miner le château jusqu'à ce qu'ils l'eurent abattu. Ce fut une trahison couarde. Quand le roi entendit le mur s'écrouler, il jura par les jambes de Dieu qu'il y aurait encore cette occasion des selles renversées. Le roi de France partit, Richard se mit à réparer le château. Il reçut de nombreux renforts d'Angleterre, de Gascogne, de Poitou, du Maine, d'Anjou et d'ailleurs. Alors commença la grande guerre où les Français eurent le dessous. Il fit tant qu'il ne tarda pas à recouvrer une grande partie de ses châteaux. Le roi de France, ayant appris que le roi d'Angleterre se préparait à le jeter hors de sa terre, s'empressa de s'en aller sans avertir ses gens. Ceux-ci, le voyant partir, en firent autant. Nos gens s'armèrent et se mirent à leur poursuite. Le roi Richard commanda au maréchal de veiller sur sa propre personne et d'empêcher les hommes de courir en désordre. Puis il chargea lui-même à la tête de ses escadrons. On aurait peine à compter le riche butin dont les Français les gratifièrent, pavillons, étoffes d'écarlate et de soie, vaisselle, argent monnayé, chevaux, palefroids, etc. Mais je vous assure que le maréchal ni les siens ne songèrent pas au gain, s'occupant uniquement de garder l'ost. À son retour de la poursuite, le roi rencontra le maréchal et l'engagea à revenir sur ses pas. Car, dit-il, je vois bien que ceux qui fuient n'ont pas envie de faire volte-face. Je n'en retournerai pas encore, répondit le maréchal. Car nos gens sont encore en chasse, et si nous retournions, les Français qui ne vous aiment guère pourraient bien se jeter sur eux. Il attendit donc que tous les coureurs fussent revenus, et les ayant fait mettre devant lui, il chevaucha derrière eux, faisant l'arrière-garde. Le soir, chacun se vantait de son butin et de ses exploits. Le maréchal l'a mieux fait que vous tous, dit le roi. C'est lui qui nous eut secourus au besoin, et c'est pourquoi j'estime qu'il a fait plus que nous tous. Quand on a une bonne réserve, on ne craint pas ses ennemis. Alors, toutes ces années-là, sous le règne donc de Richard de Cœur de Lion, puis ensuite, dans les années qui vont suivre, à partir de 1199, avec le roi Jean Santerre, ce sont des années de guerre incessante avec Philippe Auguste. Et évidemment, combat auquel participe pour la plupart Guillaume le Maréchal. Que signifie cette guerre incessante? Que représente-t-elle dans l'activité de chacun des deux royaumes? Et que représente-t-elle pour l'ordre qui est chargé dans cette société féodale, justement, de combattre, c'est-à-dire celui des chevaliers qui prennent les armes? D'abord, voyez-vous, je pense qu'il n'est pas exact de parler de guerre incessante, parce que cette guerre s'arrête. D'abord, elle s'arrête tous les ans dès qu'il commence à faire un peu mauvais, et puis elle est coupée de trêves... Qui reviennent très périodiquement et qui tiennent à deux choses, n'est-ce pas? Si on interrompt la guerre, on ne fait pas la paix. Ou quelquefois on l'a fait, mais ça ne tient pas. Mais on fait des interruptions de guerre, on s'entend pour pendant 6 mois, pendant 2 ans, de ne plus se combattre. Pourquoi le fait-on? Pour deux raisons. D'abord parce que il y a les émissaires de l'Église, il y a les cardinaux qui sont là entre les deux armées et qui font tout pour que les hostilités cessent. Pour une bonne raison, c'est que le problème de Jérusalem n'est pas réglé, la Terre Sainte est toujours aussi menacée, Et il paraît scandaleux que les souverains chrétiens s'entretuent et se combattent. Il faudrait qu'ils fassent la paix absolument pour repartir ensemble et user de leurs armes qui leur ont été confiées par Dieu pour une cause juste et pas pour des histoires de patrimoine que l'on se dispute. Donc il y a cette intervention des chefs de l'Église, du pape, par l'entremise des cardinaux qui sont tout le temps là. D'ailleurs, il en est très souvent question dans la chanson de Guillaume le Maréchal. On les voit, ils apparaissent comme des traîtres de chaque côté parce qu'ils veulent faire la paix et ils usent de tous les moyens. Et quelquefois, ils parviennent à la trêve pour un certain temps. Mais on interrompt aussi la guerre parce que ça coûte cher. À cette époque commence en effet à apparaître le mercenariat. N'est-ce pas ? Ça n'est plus la guerre féodale de l'an 1000 où on servait gratuitement un seigneur. Maintenant, tous les guerriers, finalement, sont payés. Il y en a qui ne sont que des mercenaires, ce sont les Brabançons, les routiers, comme on les appelle, c'est-à-dire des équipes de fantassins, des hommes de sac et de corde qui font la guerre d'une manière extrêmement efficace et extrêmement cruelle. C'est-à-dire qui tuent eux. Qui tuent eux et qui s'emparent des forteresses. Et c'est scandaleux de se tuer à la guerre. Alors, c'est pour cela que les routiers sont condamnés comme des hérétiques, comme les agents du diable, et les souverains qui les emploient sont très critiqués. C'est pour cela que dans les histoires de Philippe Auguste, on essaye de faire croire que lui n'en a pas employé ou pas employé beaucoup. C'est pas vrai. S'il a réussi à s'emparer de Château-Gaillard, n'est-ce pas, la forteresse imprenable que Richard Cœur de Lion avait fait construire sur la Seine, c'est avec les équipes de routiers qu'il employait. Donc il y a les routiers, mais ça coûte très cher, n'est-ce pas, on discute avec un entrepreneur qui dit ben, « je vous loue tant de combattants, mais ce sera tant, il faut payer cash ». Donc c'est pas facile. Ils sont seulement des fantassins, des hommes à pied. Ils sont des hommes à pied qui ne sont pas les sergents qui combattent à cheval. Non, ils combattent eux avec des dagues, des couteaux et avec des arbalètes aussi, avec des armes de jet. Et leur tâche, finalement, ils forment au fond des espèces de corps de fantassins hérissés de lances. Et ils arrivent à venir à bout des charges de cavalerie. Et ils tuent froidement les chevaliers qui ont été désarçonnés. Ils ne font pas de rançon. Ce sont des gens ignobles, véritablement. Ils cherchent à faire s'empaler les chevaux sur les lances. C'est cela. Et une fois que le chevalier est désarçonné par un certain nombre d'armes qu'ils ont, comme des crochets pour les tirer des chevaux, oui, après ça, avec des couteaux, ils cherchent le défaut de la cuirasse. Oui, ils les décortiquent comme des homards, voyez-vous, c'est ça. Et ils les tuent de cette façon-là. Ils sont répugnants, si bien que quand on arrive à saisir une compagnie de routiers qui n'est pas invulnérable, on la détruit comme une sale bête, voyez-vous, par le fer et par le feu. Jean-Pierre Reverso, vous êtes conservateur au musée de l'armée. Nous venons d'entrer dans ce magnifique bâtiment des Invalides, dans les salles, les deux salles haute époque qui sont extrêmement riches à la fois en armement, en armure, mais essentiellement des armures du XVe siècle. Nous nous intéressons au tout début du XIIIe siècle. Nous aimerions savoir quel était l'armement dont disposaient les chevaliers de cette époque, d'une part dans les tournois, d'autre part dans les combats, puisque Guillaume le Maréchal, s'il n'a pas pris part à la bataille de Bouvines de juillet 1214, a combattu à plusieurs reprises Philippe Auguste dans les rangs de l'armée anglaise, aux côtés de Richard Cœur de Lion et de Jean Sans Terre. Et d'autre part, il a remporté, alors régent d'Angleterre, régent du jeune roi Henri III, la bataille de Lincoln en 1217, alors qu'il avait 73 ans. Alors, de quel armement disposait-il ? Oui, je pense que vous faites bien de souligner tout d'abord l'extrême rareté de l'armement qui est antérieur au XIVe siècle. En effet, dans la salle François Ier des Invalides, du musée de l'armée précisément, où nous nous trouvons, sont principalement exposés des armements, des pièces d'armure, des armes offensives, des armes défensives, qui sont postérieures au XVe siècle, tout au moins au milieu du XVe siècle. Pour cette période du début du XIIIe siècle, deux types principaux de défense de tête existent. Le grand aume, bien sûr, le grand aume. Vous n'en avez pas ici. Nous n'avons pas de aume ici. Il en existe encore ? Il en existe plusieurs exemplaires en or dans d'autres musées européens. Ils sont en général du XIVe siècle et du XVe. Et pour le XIIIe, il existe effectivement au musée de l'histoire allemande à Berlin un exemplaire de la seconde partie du XIIIe siècle qui a été trouvé au siècle dernier dans une sépulture de Poméranie. Alors, comment est constitué ce grand aume ? Est-ce le même que l'on porte dans les tournois et dans les batailles ? Alors, de toute façon, avant le XVe siècle, il est très difficile de distinguer un armement qui serait propre aux joutes et aux tournois. Vous savez que par joute, on entend le combat simulé entre deux antagonistes, et par tournoi, une mêlée confuse, simulant un véritable combat. Antérieurement au XVe siècle, il n'existe pas d'armement qui soit spécifique à ces manifestations. On utilise l'armement de la guerre, auquel parfois on pouvait juxtaposer un armement à caractère défensif, comme des pièces de cuir, des hautes pièces que l'on plaçait sur le reste de l'équipement. Dans une des vitrines de la salle où nous sommes, il y a une très belle cotte de maille qui vient d'Allemagne et qui est un petit peu plus postérieure. Mais en tout cas, on a l'impression que cette pièce est toute récente. Elle est dans un état de conservation parfaite. Comment était-elle faite, cette cotte de maille ? Antérieurement au XIVe siècle, c'est-à-dire à la constitution des premiers harnois de plate, c'est-à-dire ce que nous allons appeler, nous, l'armure, postérieurement, on peut évoquer un âge de la maille auquel va se substituer, après une période d'évolution qui va durer sensiblement un siècle, l'âge de l'armure de plate. Alors, pour en revenir à l'âge de la maille, maille de aubergerie ou maille annulaire, c'est le cas de l'objet que vous voyez, c'est ce que vous voyez dans cette vitrine. Il s'agit d'un grand aubert qui dépasse la ceinture, avec des défenses pour les bras, qui s'ouvre sur le devant et qui très vraisemblablement provient de Nuremberg. Alors, quelle est la protection que permet cette cotte de maille ? Eh bien, je crois que ça permet une protection très souple, très élastique, c'est-à-dire que le cou, en principe, ne tranche pas ses protections. Elle empêche donc l'épée de pénétrer dans le corps ? Elle doit vraisemblablement empêcher l'épée de traverser le corps. Vous savez que la protection de la partie supérieure du corps s'établissait ainsi. Vous aviez tout d'abord un bassinet. Autour de ce bassinet se trouvait placé un camail de maille qui descendait, se posait sur les épaules. Et au-dessus, on plaçait le grand aume. Au-dessus de la protection en maille se trouvait très vraisemblablement ce qu'on a appelé la cotte d'armes, une sorte de bliot en toile. On a d'ailleurs évoqué l'échauffement que pouvait causer au soleil ce type de protection et ce qui rendait nécessaire le port de cette espèce de chemise. En fait, je crois que c'est simplement pour éviter la pluie. Vous savez, il y a un problème intempérie avec les armes. Lorsqu'un métal poli au blanc se trouve sous la pluie, il a tendance à rouiller. Enfin, nous avons quand même quelques éléments là-dessus. Nous savons que les armes étaient brunies. On les brunissait avec une sorte de mélange d'huile. Plus tard, d'ailleurs, on va les bleuir. Vous savez, toutes ces lames du XVe siècle sont bleuies de manière à les protéger des intempéries. Alors, il y a un certain nombre d'épées également. Comment est constitué l'armement offensif du chevalier du XIIIe siècle? Alors, l'armement offensif du chevalier est certainement constitué d'une lance. Nous n'avons pas de lance, de cette lance pique, parlons plutôt de lance peut-être à cette époque. Lance qui, bien sûr, a disparu, mais l'armement chevaleresque par excellence est bien sûr la lourde épée. Elle a donc le schéma cruciforme de l'épée auquel on prête toutes les valeurs de la chevalerie. Les quillons sont généralement rectilignes, donc, et forment un plan perpendiculaire à celui de la lame. Lame souvent très large, comme cette épée que nous avons sous les yeux, avec probablement de la seconde partie du XIIe siècle. Sur les sites des champs de bataille de cette époque, par exemple à Bouvines ou ailleurs, en Normandie ou en Angleterre, a-t-on pu trouver des squelettes ou des ossements qui permettent de déterminer si ces armes étaient vraiment très meurtrières? Je ne pense pas qu'on ait trouvé, pour cette période de la guerre de Cent Ans, qu'on ait trouvé des vestiges qui nous donnent cette idée. Par contre, on a mis au jour en Scandinavie, dans la presqu'île de Gotland, des fosses communes où se trouvaient enterrés à la suite d'une bataille qui s'appelait Wisby en 1361, je pense, bataille qui opposait les envahisseurs danois aux populations locales. On a trouvé de très nombreux ossements. Et ces ossements sont assez terrifiants. En effet, nous voyons des membres tronçonnés, brisés, des crânes traversés par des projectiles. Je pense donc que les coups d'estoc, les coups de taille, à cette époque, étaient quelque chose de tout à fait redoutable. Alors, la guerre des chevaliers, quelles sont ses règles? Eh bien, la guerre des chevaliers, d'abord, il ne faut pas confondre la guerre et la bataille. Enfin, la guerre, c'est une série d'escarmouches où, comme au tournoi, on essaye d'abord de capturer l'adversaire, de le mettre à rançon, et où on tâche aussi de gâter la terre de l'ennemi. La guerre, c'est une opération de destruction, d'appauvrissement de l'adversaire. De pillage, mais aussi de destruction. On détruit les récoltes, on tue les paysans, on essaye d'amener l'adversaire à traiter en l'appauvrissant. Tandis que la bataille, qui est un acte tout à fait exceptionnel, c'est autre chose, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie généralement prévue à l'avance, et qui se déroule comme un recours au jugement de Dieu. C'est-à-dire que là, encore une fois, deux équipes, mais deux équipes qui sont sanctifiées dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on se prépare à la bataille comme on se prépare à la communion. On va être en présence de Dieu, et il faut se purifier, il faut se confesser, il faut éviter absolument tout ce qui pourrait être une souillure. Généralement, on se coupe les cheveux, avant on se lave, enfin, on se revêt de parures qui soient pas trop ostensibles. Enfin, c'est vraiment une cérémonie religieuse. Et les deux équipes s'affrontent dans le dessein de tuer ou de capturer le chef de l'autre équipe. C'est comme au jeu d'échecs. Il faut faire mat le roi. Ou au moins s'emparer de lui. Mais le détruire, n'est-ce pas, de toute façon. Et la bataille est un verdict, n'est-ce pas? L'issue de la bataille, c'est un verdict rendu par la Providence qui déclare le bon droit de celui à qui elle a accordé la victoire. Voilà ce qu'est une bataille, mais il y a très peu de batailles, on se risque très rarement à cette épreuve, parce qu'on n'affronte pas volontiers la colère divine. Dura longtemps et dure encore, mais je ne puis en compter toutes les aventures une à une, et ce n'est pas de mon sujet. Le roi était à Gournay. Il donna ordre à ses hommes, chevaliers, sergents, routiers, de se rassembler à Gerberoy. Puis il chevaucha vers Milly. Tandis que Marcadet se dirigeait sur Sémilly, Richard attaqua Milly à l'improviste. Les assiégés se défendirent de leur mieux, repoussant les assaillants avec des pieux, des carreaux, des fourches, des fléaux. Ils renversèrent dans le fossé une échelle chargée de chevaliers et de sergents qui presque tous furent blessés ou estropiés. Un chevalier de Galles, Sir Gautier de Quidemort, y eut la cuisse brisée. Les assaillants commencèrent à se retirer, mais un chevalier flamand, Sir Guy de la Bruyère, était resté sur une échelle. Les défenseurs de la ville le tenaient par le cou avec une fourche, de sorte qu'il ne pouvait céder d'aucune de ses mains. Le maréchal se tenait, tout armé, sur la douve du fossé. Il fut saisi de pitié en voyant la pénible situation de ce chevalier, et sautant dans le fossé, il grimpa du côté opposé, l'épée à la main. Arrivé à l'échelle, il se mit à frapper à droite et à gauche de tels coups sur ceux qui tenaient le chevalier et voulaient le tuer, qu'ils s'enfuirent et lui abandonnèrent le créneau. Le roi, ayant vu le maréchal monter à l'assaut, voulut l'imiter, mais les hauts hommes qui étaient présents l'en empêchèrent. Le maréchal, une fois entré, nos gens reprirent ardeur et crièrent ensemble « Le château est pris, courons aider le maréchal !» Et ils coururent assaillir les créneaux. Ce jeu ne plut pas à Sir Guillaume de Monceau, le connétable du château, qui courut droit au maréchal. Mais celui-ci, qui s'était délivré de ses autres adversaires, lui donna un tel coup qu'il lui fendit le haut et la coiffe et lui entama la chair. Guillaume de Monceau tomba tout étourdi et incapable de se mouvoir. Le maréchal, qui était lassé et avait fait plus que sa part, s'assit sur lui pour le garder. Les autres entrèrent à sa suite et le roi avec eux. Les assiégeants firent un butin considérable et les assiégés perdirent tout. Quels sont les dégâts que font ces guerres successives, même intermittentes, et que font ces batailles dans l'économie et la population, à la fois en France et en Angleterre? Oh, vous savez, il ne faut pas exagérer, c'est pas le retentissement économique de ces guerres. Rien à voir avec ce qui s'est passé dans des périodes modernes, pas du tout. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait mettre le feu au blé, on pouvait saisir quelques paysans, on pouvait saisir quelques têtes de bétail, mais en fait, la population rurale généralement avaient le temps de se réfugier, soit dans des endroits inaccessibles, le lit des rivières, les marécages, on est resté là 3-4 jours, puis les gens partaient, ou bien alors dans les châteaux, ou bien dans les églises. Les églises étaient des bâtiments qui étaient protégés justement par la paix de Dieu, par l'interdiction d'y commettre aucun acte de violence. Les monastères étaient protégés de la même façon. Les monastères aussi. Et alors, la population paysanne, avec tout le bétail, avec toutes les réserves, s'entassait, en passait quelques jours à l'intérieur de ces églises. Il n'y a pas eu de radour, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, les dégâts étaient, à mon avis, il n'y a aucun moyen d'évaluer, mais à mon avis, ça n'était pas très grave pour le peuple. Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un champion de tournoi dans l'armée de Richard Cœur de Lion, Guillaume le Maréchal, par Jean Montalbetti. Médiateur Georges Duby, professeur d'histoire des sociétés médiévales au Collège de France. Consultant Alain Erland Brandenburg, conservateur en chef du musée de Cluny. Jean-Pierre Reverseau, conservateur au musée de l'armée. Les textes, extraits de l'histoire de Guillaume le Maréchal, ont été dits par François Mestre. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti. Prise de son, Guy de la Ville-Marquet. Mixage, Geneviève Nguyen. Réalisation, Christine Berlamont et Daniel Fontanarosa.